En signe de soutien au projet de notre République sur l'ouverture de la conférence conjointe des organisations politiques, sociales et personnalités individuelles du Nord, du Sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante dans la péninsule coréenne, à l'occasion du 71e anniversaire de libération de la Corée, l'Association des ressortissants coréens à l'Est des États-Unis a publié le 11 une déclaration.